cette veine une chanson morale pour la terre, plus sûrement. Devant la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Dites-lui donc, que fais-tu dès l'aurore? Que fais-tu? Au signal du plaisir dans la chambre du drille, tu peux bien entrer, fille, tu peux bien entrer, fille, mais non, fille, en sortir. Devant la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Dites-lui donc, que fais-tu dès l'aurore? Que fais-tu? Ah! Dans les bras près de lui, tu cours vite. Bonne nuit, hélas, ma petite, bonne nuit. Près du moment fatal, fais grande résistance. Il ne t'offre d'avance un anneau conjugal. Il te tend les bras près de lui, tu cours vite. Bonne nuit, c'est là, ma petite, bonne nuit. Ah!